Bonjour, j'ai écrit quelque chose qui est publié dans l'onglet communauté, mais on dirait que la plupart des gens qui sont abonnés à la chaîne, ils vont jamais voir ça. Donc je vais vous le lire. Je vais bientôt retourner plus dans l'ombre comme j'ai fait un an et demi. Aussi, je cherche encore une plateforme plus discrète où la plupart n'auront pas accès. Beaucoup de choses sont archivées, donc je serai toujours là. Si une crise se profile, je reviendrai peut-être. Je n'aime pas la lumière au sens social du terme. J'ai quand même réglé plusieurs problèmes légués par le passé familial, mais Bernard de Montréal est en train de devenir une sorte d'icône cultuelle, et ce que je pouvais faire est limité. Pareil pour le reste, comme l'ésotérisme syncrétique, qui est en train de devenir une sorte de religion détestable. Je vais finir par devenir agressif si je m'exprime sur tout ce que je vois se profiler. La plupart des choses que j'avais à dire sont dites pour le moment. Je pense que la loi est de plus en plus sournoise et contre l'individu, les familles, etc. Que ceux qui disent nous défendre sont soit hypocrites, soit dans le champ, donc reste juste à observer tout ça tomber lentement. L'important sera de passer à travers. Une guerre et une crise me semblent de plus en plus inévitables sans sombrer dans le pessimisme. Je reste en contact avec plusieurs et nous verrons bien. Pour le reste, ce n'est pas à moi seul de discerner. Beaucoup sont trop influençables et j'ai toujours voulu que l'individu s'instruise lui-même. Je ne veux pas avoir d'ascendant. Ce serait contre-productif et nuisible. Je remarque de plus en plus que ceux qui m'écoutent ne sont pas ceux à qui je parle. Je ne crois plus à rien qui vient de certaines choses, souvent par déduction ou vérification quand je peux. Je trouve le climat de plus en plus malsain et je n'ai confiance en personne, non pas par paranoïa, mais par expérience. Je me trompe rarement sur les gens à qui je n'ai pas confiance, mais je me trompe souvent sur ceux en qui j'ai confiance. Finalement, gagner ma confiance prend des années et la perdre 2 minutes. Ce n'est pas un exemple à imiter non plus. Bien franchement, même sans attendre, je reste déçu. Beaucoup d'épreuves s'en viennent, peut-être. L'important reste ce que vous savez par vous-même. Donc, ça c'est l'essentiel de ce que j'ai à dire pour le moment. De toute façon, il y a des gens qui ont archivé beaucoup de choses. Donc, je reste là quand même. Puis, il reste que, même s'il y a des choses sur lesquelles, qu'avec le temps, que je considère que c'était des conneries. Il reste que tout n'est pas acheté, mais vraiment pas tout. Donc, il reste des archives, des entrevues, des choses comme ça. Mais c'est sûr que d'ici à l'été, c'est sûr que je vais possiblement fermer ça. Je vais peut-être revenir. On verra. On verra ce qui se passe. Comme c'est là. C'est une question aussi d'être discret. Puis si j'ai un seul conseil à donner, ce que je fais pas souvent, c'est d'être discret, de faire attention puis de continuer à observer. C'est jamais d'observer. De toute façon, souvent, les choses qu'on voit, c'est quand on n'a pas le choix. Mais il faut quand même rester disponible, puis rester ouvert, puis observer. Mais là, pas ouvert au point de fendre, là. Il y en a qui sont tellement ouverts qu'ils sont un espèce de cloaque vivant. Puis ça, c'est déplorable. Être ouvert à ce point-là, là, c'est quasiment... En tout cas. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour le moment. Je vais avoir quand même été prolifique. Hein? Mais il reste que... D'un point de vue tactique, c'est rendu. Moi, je considère que. Ben, l'essentiel, je l'ai dit dans ce que j'ai écrit. Donc, je reste quand même disponible parce que. Par ce qui a été archivé, par ce qui a été dit. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Puis, pour ce qui est de ce dont j'ai déjà parlé, réellement. Je vois pas comment mettre en place une façon de sélectionner à grande échelle, parce que ça fait trop de gens qu'il faudrait faire enquête dessus. Puis j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que ça va quand même loin. Moi, je suis tellement sélectif, je suis tellement rendu sélectif que je voudrais qu'il y ait carrément une enquête sur les antécédents familiaux, évaluation du profil génétique, enquête de crédit. Ça finirait plus. Ça finirait plus. Donc, je vais voir comment faire ça. Si c'est possible que ça se fasse. D'un autre côté, une structure qui est à l'interne, où il n'y aurait absolument aucune hiérarchie, ça veut dire que s'il y a un élément qui ne va pas, qui rentre, il met en danger toute la structure, puis il risque d'y avoir une décadence accélérée. Donc, jusqu'à un certain point, je regardais ça, puis je me disais, c'est quelque chose qui a les défauts de ses qualités. Donc, il faudrait que ce soit des gens aussi scrupuleux, aussi scrupuleux que moi. Puis je me demande si ça existe. Donc, il risque que je laisse ça quand même entre parenthèses. Je laisse ça quand même entre parenthèses parce que c'est déjà pensé, puis mis par écrit. Donc, on verra. On verra. C'est certain que je reste là d'une façon ou d'une autre. Sous une forme ou une autre. Je vais toujours rester présent pour observer ce qui se passe. Suivre le conseil que je donne finalement. Mais j'ai absolument pas confiance en quoi que ce soit. Comme je le dis, pas par paranoïa, mais par expérience. Puis même sans attendre, je finis toujours par être profondément déçu. Parce que même ce que je pense voir de bon, finalement, au bout de la ligne, je finis tout le temps par me rendre compte que non, c'est pas comme je pensais. J'ai un petit côté bonasse, puis ça me nuit beaucoup. Ce qui fait que c'est surtout en mon propre discernement que je manque de confiance quelque part. Puis aussi, j'ai encore moins confiance en les gens qui me mettent sur un piédestal. Aussi, j'ai pas envie d'être là pour faire rire de moi par des nerds qui sont des sites de gamers, là. Qu'on soit méchant ou gentil avec eux autres, ils restent des espèces de grosses limaces flasques. C'est incapable d'assimiler quoi que ce soit, comme s'il y avait, même par l'observation des faits, comme s'il y avait les connexions synaptiques tout croche à cause de leur maudit jeu. Sans parler de certains milieux où c'est plein de drogués. C'est plein de monde qui vont pas bien. C'est vraiment pas la place. C'est vraiment pas la place pour se trouver du monde de confiance. Puis c'est des sujets qui attirent du monde que je peux le dire franchement. Là, je finis tout le temps par me dire, moi, on dirait qu'il y a de quoi qui va pas là. Donc, puis même au niveau de la population générale, je trouve que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc, aussi bien suivre mes propres conseils. Puis, ma fille, à ce que je sais, à ce que je sais par moi-même, pourquoi? Ben, pour passer à travers, ça a tout le temps été le but. Ça a tout le temps été le but. Nous sommes gouvernés par des imbéciles qui sont en train de nous entraîner dans un conflit mondial profondément stupide. Prenez Kissinger. Je ne l'aimais pas, Kissinger. Mais même quand il disait de quoi d'intelligent, même quand il conseillait des choses intelligentes, ils ne le suivent pas. Ils ne suivent pas parce que c'est des financiers internationaux qui décident, puis s'en foutent de toutes les nations. Prenez, là, comme quand il disait, il faudrait peut-être garder des bonnes relations de plus en plus avec la Russie parce que l'ennemi futur, c'est la Chine communiste, dans le fond. Ben, on est tellement imbéciles que j'ai l'impression qu'on a fait, je parle, les forces atlantistes, on a fait exactement le contraire. Exactement le contraire. Ah, j'ai un commentaire sur ce que j'avais écrit dans l'onglet communauté. Donc, ce qui est dit, il dit. Puis même les gens qui étaient plus proches, là. Je parle des gens, des collaborateurs, puis tout, je suis en train de perdre confiance. Ben, je comprends que les gens ont de leurs défauts. Je comprends ça, que chacun a ses faiblesses, puis tout, mais. On peut pas aller loin et atteler comme ça, ben franchement. Ça peut pas. Donc, jusqu'à un certain point, je ne suis pas en train de prôner le chacun pour soi. C'est important d'avoir des alliances, c'est important d'avoir des amis. Mais pour quelque chose de sérieux, J'ai pas encore trouvé rien de solide, ben franchement. Puis j'ai pas confiance. Donc, on verra. On verra. Mais réellement, on est en train de nous entraîner dans des crises planifiées. Tant qu'à moi, tout ce qui se passe, c'était prévisible. Tout. Tout. Puis ça regarde pas bien, hein? Donc, c'est de plus en plus dangereux, même quand on parle pas de certains sujets. Mais ce qui est dit, dit, puis reste dit, puis je l'assume pareil. Donc, ben, bonne soirée.